bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Vous écoutez Rock de Neuron en compagnie de Jimmy Farley sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et nous serons ensemble pour les deux prochaines heures durant lesquelles on va entendre Caligonaut de Norvège, Unitopia d'Australie, Aborim d'Italie, The New Keepers of the Water Tower de Suède, Banging Colors d'Angleterre, Cartoon du Brésil et Saga du Canada. Alors, pour le premier bloc de l'émission qui est consacré à l'album de la semaine, on a une nouveauté de la Norvège. Il s'agit du groupe Caligonaut. Alors, ce groupe-là gravite autour d'un musicien du nom de Michael Bjørndal. C'est un musicien qu'on a connu lorsqu'il est venu nous présenter son projet Oak Festival Terra Incognita il y a 2 ans. C'est un musicien aussi qui fait partie de la formation Airbag. Il accompagne Bjørn Riis et pour l'occasion de son album qui est une nouveauté, l'album s'intitule Magnified as Giants, eh bien, il se fait accompagner par des musiciens aguerris de Norvège et on parle de musiciens de Wobbler ici et de Pimlico. Alors, ça nous donne un album de 4 pièces qui totalise 50 minutes. Et pour aujourd'hui, bien, moi, je vous en propose 2. La première, c'est la pièce titre, Magnified as Giants, et on va conclure avec Lighter than Air. Alors, on va tout de suite avec Caligonaut. Horizons of white snow touch the mirror-cracked sky. Sweet rustling of leaves keeps the mind at ease. Feet comes to a halt as the sun drops in the river. Here my God is shed, open to the visions in my head. 'Cause in this dark I remember you and I and the spark. We followed way up high, magnified as giants. We survived. A pure but distant glow in the stars that meet my eye. Will this pure heart last, or again to see the shadow? I never meant you harm, still it all was said. But in this dark I remember you and I and the spark. Followed way up high, magnified as giants, we survived. We survived. We survived. We dare I leave

Thank you. again when the rain comes test hard. The ground boils the water for us to drink the mist, and I am the quiet drinker yet again refracts the light of my memory, and summons up the dark parts. But looking now at these endless repeats, at this night around me, I no longer find release. And in a new sort of light, it is possible to make out a world. Thank you. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On a entendu avant la pause le groupe norvégien Caligonaut avec deux extraits de l'album Magnified as Giants. Maintenant, pour le deuxième bloc, on va aussi consacrer ça à un seul album qui est paru en 2008. Il s'agit de l'album The Garden. Ça, c'est du groupe Unitopia d'Australie. Je rappelle qu'Unitopia a produit 5 albums studio entre 2005 et 2012 avant de se dissoudre pour former 2 autres groupes. Les musiciens, d'une part, sont allés vers Southern Empire et d'autre part, United Progressive Fraternity. Alors moi, pour l'occasion aujourd'hui, mais j'aime faire un petit retour en passé en 2008 et je vous propose 2 extraits de l'album The Garden. Le premier, c'est Journey's Friend et un extrait de la pièce titre The Garden. Set me free.

present to you the crowning feature of this circus performance. I'm going to join the circus. I'm running far from home. I can't take all this pressure. I want to walk alone. Heart from the beginning, it's the only way that I've known. You can't stop people winning or taking what they don't own. Oh, maybe they'll accept me if I can toe the line. Hope they don't reject me and treat me like bad wine. Ahead in the distance, I see the ringmaster's smile, arms outstretched toward me. He sees me coming for miles, and he tells me I'm the main attraction people come to see. They've been waiting for years and years just for me to appear. Even though our wind is soft and spreads like a disease. Thank you. Avant de débuter le troisième bloc de l'émission, j'aimerais vous rappeler qu'avant la pause, on a entendu deux extraits de l'album The Garden par le groupe Unitopia d'Australie. Maintenant, on va aller du côté de l'Italie avec un nouveau groupe du nom de Aborim. C'est un groupe qui fait dans l'expérimental post-metal. Ils viennent de faire paraître l'album Hostile et je vous propose trois pièces. La première, c'est Sleep. Ensuite, c'est The Pursuit of Happiness et on va conclure avec Magical Smoke Screen. Et je vais enchaîner ça avec le groupe suédois New Keepers of the Water Tower et un extrait de l'album Cosmic Child. En fait, c'est la pièce Lapse que, pour l'occasion aujourd'hui, j'ai coupé de presque moitié. Alors, on y va avec Aborim d'Italie. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. J'aimerais rappeler aux auditeurs que toute l'information concernant la musique qui est diffusée lors de l'émission Rock de Neurones, mais c'est disponible sur la page Facebook de l'émission. Alors maintenant, on va aller faire un petit retour dans le passé, dans les années 60, avec une formation psychédélique du nom de Banging Colors. Ils ont produit un album en 2020 qui est une forme de rétrospective sur ce qui a été enregistré dans les années 67 à 69. Et l'album s'intitule « Hallucinogenic Treasures from the Convolution of an Imaginative Brain ». Et la pièce que j'ai choisie, mais c'est intéressant du fait que le chanteur me fait beaucoup penser au Frank Zappa de ces années-là. Alors, la pièce que j'ai extraite de cette compilation, c'est « If God's a Fly ». Ensuite, on va aller du côté du Brésil avec le groupe Cartoon, qui a été actif entre 1999 et 2013 avec 4 albums enregistrés. Et on va entendre aujourd'hui un extrait de l'album Bigorna, qui est paru en 2003. Et la pièce s'intitule « The Last Battle ». Et pour conclure, on aura le groupe canadien Saga, qui ont sorti l'album « Symmetry » il y a quelques semaines. Et ça, c'est un album hommage en version acoustique des chansons qui ont été enregistrées là, au début de leur carrière. Et pour l'occasion, aujourd'hui, bien, j'ai deux pièces extraites de cet album-là. La première, c'est « Tired World ». Et on va conclure avec « Pitchman », qui est, en tout cas, dans ce qui me concerne, la pièce que j'ai beaucoup appréciée, le plus aimée probablement de Saga dans les années 70. Alors, on débute ça avec « Banging Colors ». inside my skin, revealing a world I've denied. This is the world we have lost through all these years. I thought I could see, but I was completely blind. this world. Thank you. got for me this time? Can you make it sparkle? Can you make it shine? Have you got anything brighter? Something like that, but a little bit tighter. Bitch man, sell me that bitch man. Bitch man, sell me that bitch man. Something I need to slip my mind. Come here to bother, come here to buy. I've got this charger gear in my back pocket. I can't seem to stop it, just wish I had a monster.